Maïf. Le prix. Qu'est-ce qui doit définir le prix d'une assurance ? L'intérêt des sociétaires ou celui des actionnaires ? À la Maïf, chaque acte compte. Et notre modèle nous permet de fixer un prix juste. Un prix qui finance l'indemnisation de nos sociétaires, le fonctionnement de notre mutuelle et rien ni personne d'autre. Maïf, assureur militant. Cette année encore, nous avons décidé de geler nos tarifs auto pour soutenir durablement nos sociétaires. Pas d'augmentation des cotisations auto à contrats garantis et risques égaux. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est la forêt contre l'usine. Et pourtant que l'industrialisation est belle, gage de croissance, de progrès et de pollution. Mais la voit-on vraiment ? Ah, c'est une histoire d'un regard qui change. Regard porté sur le monde du travail, sur la ville, sur les paysages, face à la pollution, à la menace des espaces naturels. Quels furent les premiers combats environnementaux ? Charles-François Mathis, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quel paysage voit-on au début du 19e siècle en Angleterre ? Voit-on le paysage ? Alors, c'est effectivement une question de regard, comme vous le disiez il y a un instant. Un regard qui change et qui s'apprend. Un paysage, c'est un espace regardé. Et certains espaces ne l'étaient pas jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est les travaux d'Alain Corbin qui l'ont montré. On ignorait la mer, on ignorait la montagne. Ou du moins, c'était des espaces qui n'étaient pas intégrés dans une conception esthétique. Cela change justement vers la fin du 18e siècle, en lien avec des évolutions sociologiques, le tourisme qui se développe par exemple, mais aussi des évolutions artistiques. De plus en plus, ces espaces sont représentés en peinture et intégrés à des catégories qui permettent de les apprécier et d'en percevoir la dimension esthétique, notamment la catégorie du sublime, qui mêle donc une fascination pour des espaces écrasants pour l'homme et qui en même temps élèvent son âme et peuvent faire résonner, disons, les âmes romantiques, d'où effectivement les grands espaces marins ou les montagnes et les sommets enneigés. Charles-François Mathis, c'est vrai que quand vous nous parlez, nous imaginons tout de suite des représentations, des tableaux que nous avons pu voir. Ces tableaux, toujours impressionnants, vous avez utilisé le mot sublime. Ce n'est pas un hasard, ce mot-là a un véritable sens historique. Oui, tout à fait. Il renvoie justement donc à ce double sentiment d'écrasement et de fascination pour des espaces immenses, et il permet donc cette représentation en peinture qu'on voit. Alors, je parlais de ces vastes espaces. On imagine par exemple l'homme devant la mer de nuages de Caspar David Friedrich, par exemple, ou des écrits aussi, parce que je parlais de la peinture, mais de la même manière, évidemment, le mouvement romantique va s'appuyer sur ce sentiment aussi bien chez Chateaubriand que Lamartine ou d'autres, pour exalter cette sensibilité face à une nature plus grande que l'homme, et qui contraste aussi, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le sublime émerge à ce moment-là, avec un mouvement d'industrialisation, une urbanisation qui s'étend et qui tend à abîmer, disons, les espaces naturels. Charles-François Mathis, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié « In Nature We Trust ». Le paysage anglais à l'ère industrielle. Dites, en lisant votre livre, ce que je trouve fascinant, c'est de saisir combien, derrière ce mot « industrialisation », la menace contre l'environnement, contre la nature, prend des formes très diverses. Ce n'est pas simplement la fumée des usines qui pose problème. Vous l'avez dit, il y a les villes qui s'agrandissent. Ça, c'est un problème déjà en soi. Oui, tout à fait. Les menaces sont multiples, et d'ailleurs, ça a été, quand j'ai fait ces travaux il y a quelque temps déjà, une surprise pour moi de constater qu'on réagissait plus au départ contre l'urbanisation que contre l'industrialisation en tant que telle. C'est vraiment l'étalement des villes, la séparation croissante donc des citadins avec les espaces naturels et les effets supposés que cela avait sur leurs mœurs, sur notamment les mœurs évidemment des ouvriers et des classes populaires, qui a suscité des réactions et on a voulu du coup protéger les espaces qui entouraient les villes, ou permettre en tout cas à ces populations citadines d'avoir un accès croissant à des espaces verts. Et c'est cela qui a motivé certains des premiers mouvements de protection de la nature. Après, bien entendu, certaines industries dont les fumées délétères pouvaient détruire les moissons autour ont aussi suscité des réactions plus liées d'ailleurs à la protection de la propriété au départ que de l'environnement proprement dit. Et j'allais vous poser la question justement, nous nous situons en Angleterre au 19e siècle et il y a cette idée, mais d'ailleurs c'est quelque chose que nous retrouvons encore aujourd'hui, les villes s'étendent, donc ces espaces alors naturels pour utiliser un sens très large, mais enfin qui sont des espaces exploités hein, par les paysans, risquent d'être grignotés, de disparaître. Mais enfin, ce sont des questions de propriété, avant tout il y a des vrais questionnements autour de cette notion, à qui appartient la terre, à qui appartient la nature ? Alors, s'il y avait une bonne réponse à cela, alors il faut quand même replacer effectivement les choses dans le contexte. L'Angleterre fait face à une croissance démographique énorme. Elle double de population tous les 50 ans au 19e siècle. Et cette croissance démographique s'accompagne d'une urbanisation donc très forte. Le Royaume-Uni est le premier pays où il y a une majorité de citadins à partir de 1831. Donc ça arrive très très tôt. 1851, pardon. Donc ces villes s'étendent et suscite une spéculation foncière, une spéculation immobilière qui amène à les propriétaires, alors certains à privatiser des terres qui étaient auparavant communes et utilisées par des communautés villageoises, pour donc les privatiser et ensuite bien sûr les revendre pour construire dessus. Donc c'est cette question qui entraîne donc ces enjeux effectivement sur la question de la propriété et qui suscite des réactions alors un peu plus tardives sur la défense donc des communaux, qui sont donc, encore une fois ces espaces communs, mais protégés par des traditions, en fait. Il y avait effectivement assez peu de textes juridiques, disons, qui les protégeaient, et les communautés rurales se trouvaient souvent démunies face à des châtelains qui décidaient que cet octroi, finalement, de droits traditionnels, eh bien, ils revenaient dessus, et ils donc privatisaient ces espaces, les enclosaient, et ensuite en faisaient soit des cultures, soit des terres à construire, en fait. Et puis l'autre regard à porter sur ce phénomène, c'est de dire, mais regardez ce paysage qui était un paysage peut-être fantasmé, eh bien il est en train de se modifier sous nos yeux. Et ça aussi c'est quelque chose qui touche à l'histoire des sensibilités. Les contemporains, pas tous, mais certains, saisissent ce moment, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait, il se passe quelque chose, et de fait pas chez tout le monde, bien sûr. Certains contemporains, et particulièrement des artistes, se sentent tenu, disons, de défendre un certain type d'espace qui sont investis de valeurs nouvelles. On parlait de la naissance de ce regard nouveau sur des espaces naturels. Il s'accompagne donc d'une esthétisation de ces espaces, mais aussi on leur octroie des valeurs spirituelles. On se ressource moralement. On a un contact avec Dieu, ou en tout cas une moralité supérieure lorsqu'on se promène dans de beaux espaces. Et également, on va introduire progressivement, en tout cas en Angleterre, mais en France également, et dans d'autres pays européens, une dimension quasiment patriotique ou du moins identitaire. C'est-à-dire certains espaces, pas tous, rarement ceux qui entourent les villes d'ailleurs, ce sont plutôt des espaces un peu plus éloignés, sont investis donc d'une certaine identité, enfin parlent d'une certaine identité de la nation. C'est le cas donc en Angleterre de la région des Lacs. Pour la France, le premier espace qui est protégé ainsi, c'est la forêt de Fontainebleau, et qui se voit doté d'une dimension historique et donc on la conçoit comme un bâtiment, comme un monument historique en fait à protéger. Oui, parce que eh bien tous ces artistes, tous ces peintres portent un regard sur leur environnement. Et là, Charles-François Matisse, dans votre réponse, il y a quelque chose qui est intéressant parce que ça tient du comparatisme, hein, la France, l'Angleterre, mais ça tient aussi, alors peut-être pas du nationalisme, en tout cas du patriotisme, mais quelque chose un petit peu comme ça, s'identifier à un paysage. Oui, c'est-à-dire qu'il est très important aussi pour comprendre la naissance de ces premiers mouvements de protection de la nature, de se replacer dans le contexte du développement donc du concept de nation, mais aussi de celui de patrimoine. C'est-à-dire que à partir du moment où une nation se construit également par son passé, par ce qui l'a construit au cours des siècles, de plus en plus cette notion va être appliquée à certains espaces justement qui, par leur constitution, par leur organisation, par les gens qui y vivent aussi, disent quelque chose de ce passé de la nation et donc en cela doivent être protégés. C'est le cas de la forêt de Fontainebleau par les souvenirs historiques qu'elle qu'elle fait revivre. C'est le cas aussi de cette région des lacs et de d'autres espaces en Allemagne, par exemple, ou dans les territoires allemands, ou ailleurs en Europe. Oui, pour la région des lacs, nous nous situons au nord-ouest de l'Angleterre. Et bien justement, dans cette démarche d'un regard particulier porté par les artistes sur les paysages, sachez que Turner avait des visions. Turner avait des visions, et ce n'était pas du tout le cas pour Constable, qui était très très limité à des quantités de points de vue. Il n'a pas voyagé comme Turner, par exemple. Il est allé au pays des lacs une fois, en 1806. Il était tellement dépaysé, le pauvre, avec toutes ces montagnes, etc., qu'il en est revenu, il n'a plus voyagé. Il a dit ceci sur les peintres hollandais, qu'il aimait beaucoup, que ce qui était grand chez eux, c'était le fait qu'ils étaient restés chez eux, d'où leur originalité. C'était un homme qui travaillait, si vous voulez, dans le détail. Et il a dit lui-même de cette nature, n'est-ce pas, dont il était le maître, un homme ne voit rien dans la nature que ce qu'il connaît. Et il connaissait le pays qu'il peignait, ces deux comtés, l'Essex et le Sussex, qu'on appelle maintenant le pays Constable. Et pour cause, n'est-ce pas? Parce qu'il est revenu d'une manière obsessionnelle sur le vallée où il habitait, avec toujours la même église au milieu. Il refaisait le même paysage. Le peintre Kes Gore, qui s'exprimait en 1976 dans l'émission Le Pont des Arts. Charles-François Mathis, vous êtes d'accord avec ça? On ne peint bien que ce qu'on connaît bien. En tout cas, l'idée du 19e siècle, on ne peint bien que ce qu'on connaît bien. Alors, n'étant pas peintre, je serais bien embarrassé pour vous répondre. En tout cas, c'est clair que c'était la position de Constable, beaucoup, et qui a joué un rôle beaucoup plus important que Turner dans la construction de ce paysage typiquement anglais, ou de ce regard, du moins, sur les paysages qu'on considérait comme typiquement anglais, et notamment autour de la notion de pittoresque. Constable effectivement s'est concentré donc sur quelques paysages qu'il a reproduits de façon obsessionnelle, et il disait effectivement, je suis entièrement d'accord, qu'on ne peut connaître que ceux où on a vécu longtemps. Et notamment, un de ses tableaux de paysages les plus importants, La charrette de foin de Hay Wayne, qu'il peint au début des années 1820 et qui est exposé en 1824, va devenir à la fin du 19e siècle le tableau le plus copié à la National Gallery, parce qu'il incarne justement alors cette Angleterre traditionnelle de paysans, de vallées, de moutons. Il faut absolument des moutons évidemment dans ces paysages, qui incarne donc cette Old England, hein, qu'on voudrait ne pas voir disparaître sous les coups de la modernité, qu'elle soit industrielle ou urbaine. Constable peint de manière comme ça répétitive ses tableaux, mais là aussi ce n'est pas de l'obsession d'une personne, il faut se placer dans le champ des artistes. S'il peint sans cesse ses tableaux, c'est que ses tableaux plaisent et qu'ils se vendent. Un peintre doit aussi vivre. Alors, en l'occurrence pour Constable, il vendait très peu. Je crois qu'il a vendu une vingtaine de tableaux dans toute sa carrière. Il n'a pas eu un succès énorme, disons, de son temps. C'est ensuite, disons, qu'il a réussi à s'imposer. Mais il est vrai que cette représentation d'une certaine Angleterre qui s'impose dans la première moitié du 19e siècle, dès la fin du 18e et la première moitié du 19e, est une donc la représentation donc d'une certaine Angleterre plutôt du Sud, plus la région des lacs quand même, dans sa dimension pittoresque, donc encore une fois d'un paysage humain, à l'échelle humaine, plutôt doux, plutôt vallonné, plutôt fait de prés, etc. Et cette représentation donc va progressivement s'imposer. C'est elle effectivement qui fait vendre et qui attire la bourgeoisie montante. Et on le voit notamment à travers les aquarelles d'un peintre qui a un succès immense, qui s'appelle Miles Burkett Foster, qui est franchement, quand on regarde aujourd'hui, un peintre pas très intéressant, et ces images sont des fois à la limite du kitsch, mais il est le peintre de paysage, en tout cas en aquarelle, le plus vendu de l'époque. Et j'avais trouvé un témoignage assez touchant d'un écrivain de la fin du 19e siècle qui disait « Oui, bien sûr, il y a Turner, et bien sûr que Turner surclasse tout le monde en peinture, mais l'écrivain disait « Je dois avouer que les paysages de Burkett Foster me touchent beaucoup plus ». Oui, c'est ça, on touche là encore au sensible. Il y a quelque chose qui est un dialogue qui s'instaure entre l'artiste, l'œuvre et puis le public. Ce qui est très intéressant dans la démarche de Constable que nous évoquons, c'est que dans ces paysages, il n'est pas laissé de place à ce qui se passe dans la réalité et ce qui intéresse beaucoup les historiens qui ont un regard, enfin, qui avaient, parce que c'est moins le cas maintenant, focalisé sur les phénomènes de nouveauté, en l'occurrence l'industrialisation. Est-ce que dans sa démarche, Constable, mais les autres artistes que vous avez cités, Charles-François Mathis, volontairement privilégie un paysage pur, tel qu'il l'idéalise, sans la locomotive qui passe, sans la cheminée avec la fumée? Alors, probablement oui. Il faut quand même une petite précision concernant justement ces bouleversements industriels, c'est que il faut quitter l'image d'une Angleterre totalement bouleversée par l'industrie. Bien entendu, déjà, ce mouvement est plus... s'étale sur une durée plus longue que ce à quoi on pourrait s'attendre, et surtout il est localisé. Ce sont quelques régions autour de Manchester, de Birmingham, de Sheffield, qui sont vraiment bouleversées et où la marque de l'industrie se voit très clairement et assez rapidement. Il y a d'autres espaces du Royaume-Uni qui sont totalement épargnés par ce mouvement, et où bien sûr certains peintres du coup peignent ce qu'ils voient véritablement. Il n'y a pas forcément de volonté d'échappement et d'escapism, comme on dit en anglais. Mais il est vrai aussi que certains artistes s'inquiètent de ces bouleversements de la modernité quand ils les perçoivent, et on voit se construire très clairement dans l'imaginaire des contemporains deux types de paysages, et qui se construisent en opposition l'un à l'autre, et dans les deux cas de façon quelque peu fantasmée. D'un côté, on construit l'image d'un paysage industriel qui est démesuré, qui est uniforme, gris, qui écrase l'homme, qui est un paysage satanique qu'on ne peut finalement peindre ou représenter que de nuit, parce que il parle justement à la catégorie du sublime par ces feux rougeoyants qui rappellent l'enfer. Et de l'autre côté, il y a le paysage, là encore fantasmé aussi, et qui correspond à un seul espace, disons, du Royaume-Uni, et même de l'Angleterre, qui est le sud-est de l'Angleterre, et qui est ce paysage doux et vallonné que j'évoquais auparavant. Et tout cela crée des images dans la tête des gens, du public. Enfin, ça crée, en tout cas, un rapport très particulier au paysage. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. La forêt contre l'usine, les premiers combats environnementaux. Et justement, puisque nous parlons des peintres de cette période, ceux du 19e siècle, son nom a déjà été prononcé. Mais là, il faut lui laisser la place, puisqu'il arrive avec la pluie, la vapeur, la vitesse, évidemment, c'est Turner. On sait que Turner a voulu que l'un de ses tableaux, Le lever de soleil dans le brouillard, peint en 1807, fut placé, comme il l'est toujours à la National Gallery, entre deux Claude Lorrain. Mais le public, d'abord enthousiaste, s'est éloigné de lui lorsqu'il n'a plus peint de la nature que ses éléments. Le ciel et la terre, perdus dans l'eau et la lumière, et les reflets de la lumière sur l'eau. Et il est peut-être le premier peintre victime de la réflexion ironique qui devait tant de fois être entendue par la suite. On ne sait si le tableau a été accroché à l'envers ou à l'endroit, car on n'y distingue rien. Voilà, à l'envers, à l'endroit, comment regarder la peinture, une émission de 1961 qui s'intéressait à Turner. Charles-François Matisse, Turner est un personnage intéressant aussi dans cette histoire, parce que, à la différence du peintre Constable que nous avons évoqué, qui lui ne va pas mettre de locomotive dans ses tableaux ou d'usine, Turner à ce jeu extrêmement complexe où il laisse aussi une part à l'industrialisation. Oui, pleinement. C'est clair que Turner s'intéresse à la modernité, quel que soit son visage, et on le voit de différentes manières. Il a été très attentif au jeu de lumière provoqué par les brouillards et les fumées de Londres notamment. Il a peint par exemple les incendies du Parlement en 1834. Et alors c'était des jeux de lumière qui n'étaient pas forcément liés immédiatement au brouillard, mais qui contribuaient, disons, à cela. Et il a d'autres représentations de Londres perdues dans le brouillard au moment où le soleil se lève ou se couche. Il y a un tableau que j'aime beaucoup de 1839 qui s'appelle le Fighting Téméraire, que j'ai beaucoup utilisé dans mes cours, parce que je trouve qu'il incarne vraiment ce passage en fait d'un temps à un autre, où on voit un bateau à vapeur qui remorque un voilier absolument magnifique mais fantomatique, et on voit clairement dans l'efficacité, disons, du bateau à vapeur et la disparition progressive du bateau à voile ce glissement vers le monde moderne, industriel, efficace mais laid, et le tout baigné dans un lever ou coucher de soleil absolument sublime. Et puis il y a effectivement Pluie, vapeur et vitesse, Rain, Steam and Speed, un tableau de 1844 qui est une des premières représentations d'un train en mouvement. Et très clairement, Turner ici a voulu montrer justement cette efficacité et cette puissance de la modernité dans le train, et qui est un tableau assez saisissant, parce que déjà il est impossible, puisque Turner a dit qu'il avait, enfin, les témoignages disent qu'il avait mis la tête hors du wagon pour voir ce qui se produisait, alors qu'en fait il représente le chemin de fer vu de l'extérieur. En plus, il modifie un petit peu la réalité puisqu'il ne représente qu'une seule voie de chemin de fer là où il devrait y en avoir deux, bref. Mais son tableau est extrêmement efficace parce que le train se précipite vers le spectateur, donnant cette impression de vitesse, cette violence en fait du train lancé à toute vapeur, même si en 1844, il devait aller à 40 km/h maximum. Et ce qui est amusant, c'est qu'on discerne vaguement, parce que c'est pas très très précis, mais normalement il y a un lièvre qui court juste devant le train et dont on ne sait pas s'il symbolise la nature sur le point d'être écrasée justement par l'industrie et la modernité, ou au contraire cette nature qui arrive encore à devancer quelque peu cette industrialisation en marche. C'est une analyse absolument géniale, cher François Matisse, de revisiter une période à travers les peintes et puis même de revisiter le tableau, des tableaux que nous avons croisés. Et pour faire fonctionner une locomotive au 19e siècle, il faut du charbon. Ben, ça tombe bien, vous publiez La civilisation du charbon en Angleterre, du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les éditions Vendémiaire. Non, mais le charbon est essentiel parce que vous nous avez dressé ce portrait, mais qui est un passage obligé pour bien comprendre ces premiers combats environnementaux. Comment le regard a changé sur le paysage. Il s'est passé quelque chose et dès lors, vous vous souvenez, celui-là qui regardait sa vallée et qui regrettait, elle était verte. Aucune clôture ne peut enfermer le temps écoulé. Vous pouvez puiser dans le passé si vous vous en souvenez. Ainsi, je peux fermer les yeux sur ma vallée telle qu'elle est aujourd'hui et elle disparaît et je la revois telle qu'elle était lorsque j'étais enfant. Verte comme autrefois, une terre riche et fertile. Dans tout le pays de Galles, il n'y en avait pas de plus belle. À cette époque, les noires scories, le résidu des puits de charbon, n'avaient pas encore complètement recouvert les flancs de notre colline. Pas suffisamment pour dénaturer le paysage, ni noircir la beauté de notre village. Car ces sombres cheminées ne faisaient que commencer à pousser au milieu de notre verdure. En 1941, le film de John Ford, Quelle était verte ma vallée, comment passe-t-on justement de ce regard porté par les artistes sur les paysages à ce sentiment, peut-être une nostalgie, que quelque chose disparaît, et puis la conscience que ce qui advint n'est peut-être pas quelque chose de positif, qu'il y a peut-être des combats à mener? Alors ce mouvement, il se poursuit tout au long du 19e siècle. Il s'inscrit d'abord dans une constatation donc de spatiale des transformations. Et je pense que c'est une des singularités de l'Angleterre. Je disais auparavant que l'industrialisation marque les paysages de façon locale, mais elle les bouleverse véritablement. Et on en parle beaucoup. Les transformations autour, encore une fois, de Manchester ou des grandes villes du Nord est très médiatisée en un sens parce qu'elle incarne justement l'avenir. Et elle se fait effectivement essentiellement autour d'une critique de alors à la fois du gigantisme des industries, mais aussi donc de la pollution. Le mot n'est pas forcément encore utilisé en tant que tel, mais qui se crée notamment la pollution de charbon, qui a deux origines en fait. Une origine industrielle, donc qui se manifeste dans ces espaces par l'usage de la machine à vapeur en particulier, mais aussi une origine domestique. Le charbon devient, est la principale source d'énergie utilisée par les Britanniques. 95% des besoins énergétiques du pays sont assurés par le charbon en 1900, donc c'est quasiment un monopole, disons. Cet usage se fait dans des cheminées qui consument mal le charbon, qui donc provoque beaucoup de fumée. Et ce que j'ai voulu montrer dans La civilisation du charbon, c'est que cet usage immodéré, constant du charbon, crée justement une civilisation, un rapport au monde, une façon de penser le temps, une construction particulière des intérieurs, une organisation de l'espace et des villes, des contraintes évidemment sur les particuliers. Donc il y a tout un monde qui se crée autour du charbon et qui provoque effectivement une fascination, parce que le charbon, c'est la puissance, mais aussi un rejet, parce que le charbon, c'est des cieux encrassés, une pollution constante, des problèmes respiratoires et de plus en plus des morts qu'on constate et qu'on calcule, qu'on compte. Si je comprends bien Charles-François Matisse, au 19e siècle, en Angleterre, parce que nous sommes sur ce cas anglais, nous avons deux mouvements en fait. D'un côté, il y a la prise de conscience qu'à cause de l'industrialisation, la nature est abîmée. Il y a une voie ferrée, il y a la ville qui grandit. Puis il y a un autre mouvement, vous l'avez cité, c'est celui de la pollution. Mais les deux ne sont pas forcément liés dans la réflexion de la défense de l'environnement. Alors effectivement, ce que j'essaie de montrer auparavant, c'était qu'il y a une convergence qui s'opère, mais plutôt à la fin du 19e siècle. Dans les premiers temps, de fait, les mouvements luttant contre essentiellement la pollution atmosphérique et ceux qui encouragent à la protection de certains espaces, que ce soit autour des villes ou plus loin, dans des lieux comme le Lake District, la région des lacs, sont effectivement des mouvements séparés. Ils ne se rejoignent qu'à la fin du 19e siècle, notamment parce que on constate que la stratégie de discrimination spatiale, de créer des espaces en fait protégés en interdisant soit qu'on crée des industries dedans ou qu'il y ait des coupes forestières, etc. On se rend compte que la stratégie donc de discrimination spatiale n'est plus suffisante, que la pollution est par définition sans limite, qu'elle s'immisce partout et que même des espaces éloignés comme la région des lacs finissent par être touchés par la pollution. Et c'est aussi un aspect de ce que je voulais raconter sur la civilisation du charbon, c'est que il est partout. La poussière de charbon, les fumées de charbon, progressivement couvrent le pays en quelque sorte. Bon, je ne vais pas exagérer non plus, mais en tout cas, on les perçoit de plein d'endroits et inquiète. Et donc, à partir de là, on se rend compte que protéger un espace, ce qui est encore d'ailleurs une problématique contemporaine, protéger un espace ne suffit pas. Encore faut-il aussi essayer de limiter les sources de pollution pour éviter qu'elles atteignent ces lieux. Et c'est pertinent d'avoir utiliser le charbon pour réfléchir à l'ensemble de cette civilisation, la civilisation du charbon, parce que vous nous dites bien que le charbon, effectivement, on le brûle dans la locomotive et puis ça fait la vapeur et ça fait rouler la machine à l'usine, mais même pour fabriquer tout le métal, enfin les rails, il faut du charbon. Le charbon est omniprésent dans la manière de vivre avec le train, dans la manière de vivre parce qu'il y a des mineurs, parce qu'il y a vraiment le charbon omniprésent dans la société. On ne peut pas faire sans. En tout cas, c'était effectivement la constatation des contemporains, et ce qui explique aussi probablement toute la difficulté qu'il y a eu à penser un monde hors du charbon, parce qu'effectivement, cette ubiquité du charbon le rendait indispensable. Vous l'avez dit, il était central, ou il est devenu de plus en plus central dans l'industrie, alors bien sûr pour la production métallurgique, de plus en plus par l'usage donc des machines à vapeur qui s'imposent progressivement, pas aussi rapidement que ce qu'on disait il y a 30 ans, mais progressivement dans les différents domaines industriel, notamment dans le textile, dans la machine, évidemment les transports, et puis donc comme je le disais aussi dans les intérieurs. Il y a vraiment beaucoup de réflexions dès le milieu du siècle où on constate bien sûr tous ces dégâts des intellectuels comme John Ruskin, William Morris, même le poète Wordsworth se disent bon, on est face à une source d'énergie qui a énormément de défauts. Comment faire pour s'en passer? D'autant que on a aussi des inquiétudes sur les ressources. On voit émerger là encore, et ça c'est très surprenant, dès 1789, alors que le charbon commence seulement à s'imposer dans l'industrie, il est déjà très présent dans les intérieurs, on a des réflexions sur combien de temps nous reste-t-il pour exploiter le charbon avant son épuisement, avant le pic de charbon. Et donc on a beaucoup d'inquiétudes, mais on ne sait pas, on ne trouve pas les moyens de s'en passer. Oui, parce que ça, c'est un peu le problème que nous vivons encore aujourd'hui. C'est pour ça que les réflexions de nos ancêtres sont toujours intéressantes pour réfléchir au présent. Vous venez de citer le poète William Wordsworth. C'est intéressant de le citer maintenant sur la crainte du charbon, parce que nous saisissons combien le contraste est grand entre ce qu'il pouvait écrire au début du 19e siècle et puis la société qu'il voit évoluer sous ses yeux. Le monde est beaucoup trop avec nous, épuisant tôt ou tard nos moyens, dépendant sans mesure. Nous voyons peu qui soit nôtre dans la nature, et nous avons vendu notre cœur à l'encan. La mer qui se met toute nue devant la lune, les vents qui sans cesse hurleront, mais à cette heure sont recueillies dans le sommeil comme des fleurs ces choses. Nous ne sommes plus avec aucune, en accord, ni ému. Grand Dieu, j'aimerais mieux, païen, m'être nourri aux plus vieilles légendes, et peut-être entrevoir sur cette belle lande, Protée sortant des flots, ou entendre le vieux Triton souffler dans sa conque de fleurs parées, scène dont j'aurais l'âme moins désespérée. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un poème de William Wordsworth qui évoque ce monde très particulier. C'est une lecture de Pierre-Marie Baudouin dans le cours de l'histoire. Charles-François Matisse, en quoi ce poète est intéressant pour étudier l'évolution de la société, le regard porté sur la nature au XIXe siècle? Alors c'est effectivement un poète important et je suis très touché que vous ayez choisi ce poème que j'ai utilisé pour ouvrir et clore l'ouvrage In Nature We Trust, parce que je le trouve très intéressant et très beau. The world is too much with us. Le monde est trop avec nous, oui. Wordsworth est important parce que bon, c'était un des très grands poètes romantiques déjà de la première moitié du 19e siècle, vraiment une figure absolument centrale. Il était poète lauréat et c'est un des premiers, à ma connaissance, à avoir défendu la région des lacs sur une base intellectuelle et théorique qu'on peut assimiler à une forme de mouvement environnemental. C'est-à-dire que il est le premier à penser, enfin, l'un des premiers en tout cas à penser, la valeur de la nature pour des raisons, comme je le disais auparavant, spirituelles, esthétiques, patriotiques, et à mener en plus un mouvement, alors très inefficace. En 1844, il s'oppose à la construction d'une ligne de chemin de fer dans la région des lacs, dont il fait vraiment le cœur justement de l'identité du pays. Et il estime que ce chemin de fer va abîmer les paysages, en plus alors apporter des hordes d'ouvriers mal éduqués qui vont troubler la quiétude de ces lieux. Et ce combat donc qui n'aboutira pas pose malgré tout quelques bases, quelques fondements à un mouvement environnemental qui va se déployer dans les années 1870, donc une trentaine d'années après, et qui fait de Wordsworth vraiment l'un des contemporains fondamentaux de cette pensée. Notamment parce que, et ça c'est John Ruskin qui le disait, Wordsworth, comme Ruskin d'ailleurs en son temps, permettait de voir. C'est vraiment ce que les contemporains disaient, c'était un œil qui nous a permis d'apprécier justement des paysages qu'auparavant on ignorait plus ou qu'on ne savait pas vraiment regarder comme il le fallait. Et Wordsworth fait partie de ces auteurs qui ont fait la région des lacs le cœur de la vieille Angleterre, en fait, de cette identité nationale anglaise centrée sur des valeurs traditionnelles et sur un certain type de paysage. Charles-François Matisse, vous avez contribué à l'histoire des luttes pour l'environnement, hein, qui est publiée chez Textuel. Et justement, dans cette réflexion sur les luttes pour l'environnement, ici, nous sommes avec un poète. À quel moment cette lutte devient plus théorique, au sens où elle touche à la politique, même s'il faut se méfier toujours des anachronismes dès qu'il est question de ces sujets-là? Alors, c'est une question compliquée que vous me posez là. Il faut bien concevoir que la défense de l'environnement se fait donc au départ essentiellement par le fait d'une élite et souvent d'une élite artistique, parce que encore une fois cette défense elle se fait au nom de l'esthétique et du patrimoine, et donc les artistes se sentent légitimes, disons en quelque sorte, pour défendre cela. Et c'est un phénomène encore européen, on le trouve bien sûr en Angleterre, mais en France par exemple la loi de 1906, qui est la première loi de protection des sites et monuments naturels, créer des commissions faites justement en partie d'artistes. Donc il y a d'abord une espèce d'auto-légitimation, disons, de cette élite intellectuelle qui se met en avant, disons, pour protéger des espaces. Petit à petit, on va voir une figure d'expert émerger, alors plus dans la lutte contre la pollution, mais aussi progressivement dans une conception écologique, on va dire, des espaces naturels, avec la naissance de l'écologie, disons, dans la toute fin du 19e siècle. Donc, il y a d'abord cette question de l'expertise, qui est légitime pour parler et pour défendre la nature. À partir de là, l'intervention de la puissance publique reste un horizon. Un horizon parce que c'est elle qui permet, par la législation, et bien sûr, de protéger certains espaces, d'interdire certaines pollutions. Et c'est ces personnalités, que ce qu'elles soient artistiques ou expertes, quand je dis experts, ce sont des scientifiques, des ingénieurs, etc., font appel effectivement à la puissance publique ou demandent son intervention, ont souvent d'ailleurs l'entregent qui le permet, parce que il faut reconnaître aussi, alors Wordsworth avait écrit en 1844 au ministre du commerce de l'époque, qui était celui qui devait donner ou pas l'autorisation de construction de la ligne de chemin de fer. Bon, il pouvait se le permettre parce que c'était un poète reconnu. Bon, ça n'a pas eu d'effet, mais de fait, disons que ces artistes, ces experts ont leurs entrées au Parlement, auprès du gouvernement, et peuvent essayer de faire intervenir la puissance publique. Mais pour autant, il n'y a pas de mouvement politique, comme on l'entend aujourd'hui, bien sûr, comme ceux qui sont nés dans les années 1970, et qui font de la défense de l'environnement un programme politique en soi. C'est bien de le rappeler, c'est bien de remettre en place tout ce contexte, cette chronologie. Et justement, Charles-François Matisse, vous nous avez bien dit que ces luttes alors convergentes, en tout cas ces prises de conscience qu'il faut défendre les espaces naturels face à l'industrialisation, à la ville qui grandit, et puis qu'il faut lutter contre la pollution, le rôle des médecins est essentiel, se rejoignent vers la fin du 19e siècle. C'est à ce moment-là que la puissance publique va agir. On a bien compris que bon, on toque à la porte en disant faites quelque chose. Que se passe-t-il en Angleterre dans ces années 1860? Il y a une action quand même des pouvoirs publics. Alors, il y a une action d'abord de société. On voit vraiment, effectivement, dans les années 1860-70, émerger des mouvements efficaces pour protéger certains espaces. Le premier, c'est en 1865, la Commons Preservation Society, la Société pour la protection des communaux, justement. Dans le cadre que j'évoquais avant de l'extension des villes et qui vise à protéger les communaux autour de Londres. Et Hampstead Heath, que certains auditeurs connaissent peut-être, qui est donc cet espace vert encore très utilisé aujourd'hui, a été protégé justement par l'action de cette société qui est composée essentiellement de députés, d'avocats, et qui agit immédiatement dans le cadre donc législatif et parlementaire et juridique. Donc c'est une association efficace et qui arrive à protéger des espaces. Et puis il y a dans les années 1870, un grand moment que j'ai mis en avant, qui est celui de la défense d'un lac au cœur de la région des lacs, justement le lac de Thirlmere, qui était menacé par la ville de Manchester, qui voulait le transformer en réservoir, qui avait acheté les terrains autour et qui avait besoin d'eau pour sa population et donc voulait construire un barrage et utiliser l'eau de ce lac pour abreuver une population en croissance continue. Et bien entendu, il y avait une dimension très symbolique dans ce combat. D'un côté, Manchester, berceau de l'industrialisation, qui veut s'emparer d'un paysage naturel, et de l'autre, la région des lacs, qui a été construite notamment par les écrits de Wordsworth et un guide qu'il avait publié dès les années 1820 et qui était considéré comme l'écrin de la vieille Angleterre. Et autour de ce combat, donc qui se mène entre 1876 et 1879, on voit se cristalliser ce mouvement qu'on peut déjà appeler environnemental anglais, où les acteurs principaux se rencontrent, qui était dispersé jusqu'à présent, où un discours se met en place, un discours qui se fonde justement sur ce que disait Wordsworth auparavant, mais en l'épurant, disons, d'une dimension élitiste qu'il avait fragilisée, et qui met en avant donc cette conception que j'appelle sentimentale, qui vise à protéger, comme je le disais, ces paysages pour différentes raisons patriotiques, esthétiques et récréatives. Et qui, alors, n'obtient pas gain de cause, ce mouvement, le barrage est construit, mais qui obtient deux succès. Le premier, c'est qu'on discute de cette question au Parlement et à l'occasion de ces discussions, on met en avant la valeur nationale de la région des lacs, ce qui est une manière de dire que les habitants de la région des lacs ne sont pas les seuls concernés, en fait, mais que la nation dans son ensemble doit le défendre parce qu'il parle justement de ses valeurs et parce qu'il constitue un lieu à part. Et La deuxième victoire en demi-teinte, c'est que dans la loi autorisant la construction du barrage, il est spécifié justement cette dimension nationale de paysagère de la région, et on demande à Manchester de faire ce qui est possible pour protéger cet espace et ce paysage. Ce que Manchester va faire d'ailleurs. Voilà, on sent que les combats, en fait, sont cas par cas, c'est vraiment ça, hein. Il n'y a pas une volonté nationale, mais il y a un effet national, hein. Charles-François Matisse, c'est très intéressant, ce cas que vous évoquez, ce lac près de Manchester, la forêt contre l'usine, les premiers combats environnementaux dans le cours de l'histoire sur France Culture, et puisque nous sommes en Angleterre et que nous évoquons les espaces verts, un moment, il faut parler des jardins. C'est de l'Angleterre qu'est venue la réaction. Dès 1685, au moment du grand triomphe des jardins à la Versailles. Les Anglais, plus sensibles au charme des paysages que les Français, plus habitués aussi à la vie rustique et moins à la vie de cour, transformèrent leurs jardins pour faire de véritables compositions paysagistes, et planter un parc, c'était faire œuvre d'artiste. La flore était restituée dans tout ce qu'elle a de spontané. C'était la libération de la terre et des eaux, et partout, un grand charme et un air de simplicité. Jamais peut-être l'esthétique du jardin ne s'est trouvée si consciemment chargée de morale et de philosophie. Les jardins anglais présentés dans l'émission Les jardins d'autrefois en 1977. Alors c'est vrai, bien sûr, quand nous parlons des jardins anglais, nous pensons à une opposition au jardin à la française, ce qui nous conduit sur une autre période d'ailleurs que la vôtre, Charles-François Matisse, parce que nous l'avons entendu ici, hein, c'est l'esthétique Louis XIV qui serait contestée. Oui, mais pourtant, il y a un autre regard à porter sur ces jardins-ci. Il reste de grands jardins dans les villes anglaises. C'est aussi qu'au XIXe siècle, il y a un intérêt porté sur la nature. S'il y avait besoin d'agrandir la ville, on les aurait grignotés, ces jardins. Oui, tout à fait. J'évoquais auparavant cette inquiétude liée à l'urbanisation et à ses effets délétères sur les populations les plus pauvres, les plus agitées, disons. Et on avait donc deux manières de lutter contre cela, soit protéger les espaces autour de la ville. Donc c'est le rôle de la Commons Preservation Society de 1865 et d'autres mouvements plus locaux, ou alors de multiplier les espaces verts ou de protéger ce qui existait au sein des villes. Et il est clair qu'on voit apparaître, alors au tout début du 19e siècle, l'ouverture de certains jardins royaux à Londres pour la population, mais surtout à partir des années 1840, 30-40, la construction de jardins au sein des villes, notamment ouvrières, particulièrement donc du nord de l'Angleterre, dans une volonté explicite d'offrir des espaces verts à la population de ces villes, une population donc surtout ouvrière et dont on craignait encore une fois une forme de dégénérescence et qui nécessitait ce contact avec avec une nature domestiquée, bien sûr. Nature domestiquée, mais la question ouvrière se pose, car dans cette histoire, il y a une histoire sociale évidente. La ville est une concentration humaine, il y a des ouvriers, et le 19e siècle est une période où l'on constate, eh bien, dans la ville, le choléra. L'Angleterre est touchée, la grande puanteur de 1858, qui est une véritable horreur. Cette grande puanteur, vous voyez, sur un moment où la question environnementale se pose, là, on est vraiment, alors, les pieds dans la boue. Ah, très clairement, oui. Alors cette grande puanteur est liée en fait à la pollution de la Tamise à Londres. Dans les années 1840, on encourage la construction d'égouts pour en fait atténuer le débordement des fosses d'aisance qui se multipliaient dans Londres et qui entraînaient justement des maladies. Donc des commissions parlementaires et des lois vont entraîner le déversement, enfin la construction d'égouts et leur déversement directement dans la Tamise. 250 tonnes de matière fécale par jour qui étaient déversées dans la Tamise. C'est trop. Un peu trop, oui. Et ce qui entraînait donc évidemment une pollution extraordinaire de ce fleuve, qui est dénoncé dans la presse très tôt, dans les années 1840-1850, avec des caricatures très très drôles qui montrent soi-disant donc une vue microscopique d'une goutte d'eau de la Tamise remplie de petits personnages absolument affreux et forcément porteurs de maladies, ou alors des fois des caricatures beaucoup plus sombres qui montrent un squelette en train de naviguer sur la Tamise et portant le choléra, la diphtérie et d'autres maladies. Donc des campagnes de presse constantes et une population qui grogne, mais rien ne se fait jusqu'à donc cette grande puanteur de 1858 où un été très chaud, une Tamise assez basse entraîne une telle puanteur justement que même les parlementaires dans les maisons du Parlement ne peuvent se réunir. On a tendu des draps de chlore sur les façades du Parlement pour essayer de se prémunir en plus des miasmes qu'on craignait, mais rien n'y fait. Disraeli, l'homme politique conservateur, est obligé de sortir écœuré d'une salle en catastrophe, sinon il allait défaillir. Bref, le Parlement enfin se saisit de la question, et comme par hasard, donc en 15 jours, 3 semaines, une loi est votée qui permet de construire cette fois donc un système d'égout avec trois énormes canalisations le long des berges de la Tamise qui vont déverser ces égouts près de l'embouchure de la Tamise avec un vague système de filtration et qui donc ce système se est finalisé en 1875. Il est efficace dès 1865 pour une partie, ouvert en grande pompe par des grandes cérémonies auxquelles la royauté participe, et permet enfin d'alléger un petit peu la pollution de la Tamise. Oui, voilà, nous parlions d'une question sociale. Alors là, en l'occurrence, avec les membres du Parlement, ça va, ce ne sont pas les plus fragiles dans la société. Ben, enfin bon, ils sont aussi victimes de la pollution et il y a une action. Charles-François Matisse, justement, dans la réflexion autour de la protection de l'environnement, des combats environnementaux, est-ce que la question sociale, mais là, en parlant des plus fragiles, est prise en compte? Est-ce que les difficultés de vie des ouvriers, je pense à la pollution notamment, est un élément qui rentre dans cette réflexion? Pas immédiatement. Alors, en plus, tout dépend encore une fois de ce dont on parle. Si on évoque la protection donc de certains paysages, très clairement, on a plutôt une vision élitiste. On prétend que ces paysages doivent être protégés pour l'ensemble de la population et pour permettre une récréation des plus pauvres et leur échapper de la ville. Dans les faits, on craint plutôt une arrivée massive de ces populations. Quand il s'agit de protéger les espaces autour de la ville, là oui. Là, on pense beaucoup aux populations pauvres, notamment, je reprends l'exemple de Londres, l'un des grands succès de la CPS, cette société de protection des communaux, a lieu en 1874, lorsqu'elle parvient à protéger une forêt à l'est de Londres. Or, l'est de Londres était le plus populaire, disons, de la ville, par rapport à l'ouest plus bourgeois. Et donc, cette forêt d'Epping est protégé, donc c'est quasiment 3000 hectares quand même qui sont protégés d'enclosures et de destruction, et là explicitement en vue d'offrir à la population donc plutôt ouvrière et populaire de l'est londonien un lieu de détente et de repos. Après, quand on parle des pollutions proprement dites au sein de la ville, on s'inquiète de leur effet donc sur la santé des populations en général, effectivement sur la santé et les mœurs des ouvriers. Mais après, les arguments qui sont proposés pour lutter contre la pollution atmosphérique, notamment puisque c'est surtout elle qui est visée, ne s'intéressent pas toujours spécifiquement, disons, aux ouvriers, mais aux citadins dans leur ensemble. Parce que là, de fait, que vous viviez à l'est ou à l'ouest de Londres, malgré les vents dominants, quand même, vous étiez concerné par la pollution atmosphérique. Et puis, dans cette civilisation du charbon, c'est le titre de votre ouvrage, Charles-François Matisse, il y a cette question, mais vous nous l'avez dit, il est difficile d'imaginer de se passer de charbon dans ce moment d'industrialisation. Et pourtant, il y a une réflexion sur l'environnement, pour utiliser un mot simple. Eh bien justement, y a-t-il des penseurs qui, ça nous concerne nous aujourd'hui avec le pétrole, imaginent une sortie de cela, qui pousse loin la pensée en disant, si nous voulons nous en sortir, eh bien il faut peut-être se débarrasser du charbon, trouver d'autres solutions. Alors il y a quelques penseurs réactionnaires en quelque sorte, comme John Ruskin, qui n'ont pas une réflexion immédiate sur le charbon d'ailleurs, mais prône un retour à un âge pré-industriel. Je simplifie un petit peu, mais son idée, c'est vraiment de se passer de la machine et de revenir à un monde, oui voilà, antérieur à la révolution industrielle, et qui serait donc antérieur au charbon, même s'il l'explicite pas très très clairement. On a d'autres penseurs comme William Morris, ce très grand penseur socialiste, ce grand designer, cet artiste complet, qui lui propose plutôt une forme de frugalité. Il est plutôt un penseur, alors pas de la décroissance, mais disons d'une croissance zéro en quelque sorte, en tout cas d'une approche moins gourmande et moins luxueuse, disons, des modes de vie, pour justement limiter la pollution. Et puis, il y a, alors après, toute une pléiade, à la fin du 19e siècle, d'écrivains plus ou moins influents, la plupart pas influents, qui se lancent dans des utopies ou des dystopies, et qui proposent, alors là, du coup, un futur imaginaire qui serait un futur sans charbon. La plupart s'appuient sur une vision de l'électricité assez décalée, en fait, parce que pour eux, l'électricité est donc l'avenir, évidemment un avenir propre, sans penser à la façon dont on va produire l'électricité, bien sûr. Donc, très souvent, on a des mondes futurs parfaitement débarrassés du charbon, sans qu'on sache vraiment d'où vient cette électricité. D'autres imaginent une énergie solaire, par exemple. Donc, on a comme ça vraiment toute une pensée utopiste qui se projette hors du charbon, sans donner vraiment les moyens, disons, ou expliciter cette sortie du charbon. Et puis, il y a quelques grands ouvrages quand même qui sont plutôt des dystopies, ce qui est assez inquiétant, qui n'imaginent pas d'avenir autre que dans l'effondrement. Je pense notamment à Richard Jefferies, qui était un naturaliste aussi, un écrivain qui était très intéressé par la nature et les paysages naturels, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle After London, après Londres, c'est déjà tout un programme, et où il imagine qu'en fait la ville de Londres a été détruite par des émanations toxiques qui ont tué toute la population et ont rendu ce lieu inhabitable. Et donc on est dans un futur, là, du coup, de retour à une forme de vie rurale, voire bestiale. Et ceux qui se viendraient encore dans les marais qui ont remplacé Londres risqueraient de mourir, en fait, à cause des émanations qui persistent, qui sont dues. Alors, il n'explicite pas si c'est le charbon, si c'est d'autres types de pollution, mais très clairement, en tout cas, il y a là une inquiétude sur les conséquences délétères des fumées qui couvrent les villes. Mais c'est l'avantage à des artistes, en tout cas des écrivains, qui peuvent imaginer l'avenir tel qu'ils le veulent, alors que les personnes au pouvoir réfléchissent bien souvent au présent, et il y a ce paramètre essentiel, c'est que l'Angleterre du 19e siècle est une immense puissance et sa puissance repose justement sur l'industrialisation. Et dès lors, eh bien, toutes ces questions liées à l'environnement ne peuvent être mises en avant sans mettre à mal ou en tout cas réfléchir à la notion même de puissance. Ah oui, alors ça c'est l'argument qui est seriné sans arrêt dès qu'il est question de lutter pour l'environnement ou de réduire le charbon, c'est « ah mais oui, mais il ne faut pas attenter à la puissance de l'industrie, nous sommes dans un monde compétitif, nos industriels ne peuvent pas subir des contraintes que ne subiraient pas les autres, etc. » Donc on le voit aussi bien donc pour tout type de législation qui vise à réduire des émissions de fumée, par exemple les émissions de fumée de soude, ou bien sûr celles de la machine à vapeur. Et puis on le voit de façon même plus générale, lorsqu'on pense effectivement à la sortie du charbon, on se heurte à l'idée que le charbon est le fondement de la puissance britannique parce que le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre plus précisément, bénéficie d'un accès à des gisements immenses de charbon, plutôt de bonne qualité, plutôt bien répartis sur le territoire, et qui donc font que le charbon est bon marché et permet donc à son industrie d'être compétitive. Et puis aussi aux gens de vivre correctement, en tout cas d'avoir un accès à une énergie pour le quotidien assez bon marché. Et donc tout le problème, c'est comment sortir du charbon sans perdre cet avantage et donc les fondements de la puissance. Et tous les penseurs tournent autour de ce paradoxe sans vraiment réussir à trouver une issue, parce que de fait, il n'y en a pas, surtout quand on pense... Et ça, je pense que c'est un élément important qui parle aussi, je pense, à nos sociétés d'aujourd'hui. C'est que la plupart d'entre eux essayent de penser la sortie un autre système énergétique en pensant son remplacement par une seule source d'énergie. C'est-à-dire remplacer le charbon par une source d'énergie qui permettra d'avoir les mêmes avantages. Ce qui est impossible. Ils n'ont pas de pétrole, il n'y a pas de soleil, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, la seule solution serait de changer le système plutôt que de vouloir garder le même système en changeant de source d'énergie. Et ça, ils n'y arrivent pas. Et ça, ça fait un écho au présent qui est formidable. Charles-François Mathis, c'est génial hein, d'avoir pu discuter avec vous et d'être passé de ces tableaux de Constable, ce paysage idéalisé, puis nous terminons avec de la fumée de soude, avec du charbon, avec toutes ces pollutions. Merci vivement, hein, je rappelle, In Nature We Trust, les paysages anglais à l'ère industrielle, et puis votre dernier ouvrage, hein, La civilisation du charbon au Royaume-Uni, du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale, c'est aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui la technique Jordan Fuentes, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwenn Guizhou. Une émission à écouter, à podcaster, mais comme toutes les précédentes sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.